Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo 107FM. Nous sommes le lundi 19 juillet 2021, il est un peu plus de 14h, il est 14h01 même, c'est Chris, vous êtes dans Fréquence Libre et pour cette nouvelle édition, je reçois par téléphone et toujours dans le cadre du partenariat qui existe entre Radio Guémozo et l'agence d'artistes Le Bureau de Lilith, Jeannette Berger qui est là pour nous parler de sa carrière de chanteuse, de musicienne et entre autres de son album intitulé Jeannette Berger Live, entre autres du coup comme je viens de le dire. Donc bonjour Jeannette. Oui, bonjour. Alors je vous entends très peu, le volume est vraiment très faible par rapport à tout à l'heure. D'accord, je vais essayer de monter le son bon micro, ça va mieux comme ça? Ça va mieux et si vous pouvez encore un petit peu, ce serait parfait. Et maintenant? C'est un petit peu mieux encore, super. Ok. Donc, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et vous? Ça va bien, merci. Donc, nos auditrices, nos auditeurs et auditrices sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors, bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis Jeannette Berger, auteure, compositrice et interprète. J'écris des chansons depuis quelques années déjà. Je dirais inspiré par la soul et le blues qui vient des États-Unis. Et puis avec, je l'espère, la sensibilité qu'on a par chez nous en France. Voilà. D'accord. Et donc avant d'aller plus loin, je tenais à remercier et à saluer, comme d'habitude désormais, Géraldine de Le Bureau de Lilith, la structure d'accompagnement et de promotion de projets émergents de musique actuelle, car c'est Géraldine qui nous a mis en contact justement, et c'est grâce à Géraldine que nous pouvons faire cette émission, donc merci Géraldine. Oui, merci à elle. Voilà. Donc, avant de parler de votre carrière, de votre album à proprement dit, quel a été votre parcours personnel? Est-ce que vous avez fait des études musicales ou est-ce que vous ne vous êtes dirigé vers la musique que plus tard? Alors, j'ai appris effectivement la musique quand j'étais petite. Je suis tombée amoureuse du piano assez rapidement. Et puis voilà, du coup, j'ai ma famille qui m'a encouragée à prendre des cours et puis... Je suis allée dans une école de musique, dans un village pas très loin de chez moi quand j'étais petite. Et puis en fait, la passion est restée vraiment d'année en année, même si j'étais pas toujours très assidue au niveau du travail personnel à fournir pour avancer dans la musique. Et puis en fait, c'est à l'adolescence que j'ai commencé à chanter et à vouloir m'accompagner au piano. Et puis en fait, après, c'est une espèce de drogue qui reste, enfin une drogue... qui est pas tant malsaine, je dirais, qui est au contraire plutôt bienfaitrice. Et puis après, c'est, je dirais, autour de la vingtaine que j'ai commencé à me produire dans des cafés-concerts, des piano-bars dans ma région. Et puis en fait, une fois que j'ai mis le pied là-dedans, j'avais beaucoup de mal à m'en passer. Et puis, en fait, du coup, c'est un petit peu naturellement que j'ai rencontré forcément des musiciens dans ma région, un petit peu plus loin aussi. Et puis c'est avec ces rencontres que l'envie d'écrire et la possibilité de commencer à composer des chansons, mes propres chansons, c'est à ce moment-là que c'est arrivé. Et puis petit à petit, voilà, je me suis entourée de musiciens, de personnes qui ont su me donner confiance voilà, dans le répertoire que j'essayais de me créer et dans cette envie, comment dire, cette volonté de raconter des histoires en chanson. D'accord. Et donc, vous l'avez dit en introduction, votre style de musique, c'est plutôt de la soul. Mm-hmm. Voilà. Et donc, ce projet, donc cet album, donc Jeannette Berger Live, est-ce que c'est votre premier projet musical ou est-ce que vous avez déjà un ou plusieurs albums ou des EP ou autres auparavant? Alors oui, j'ai déjà réalisé d'autres EP, d'autres albums avant. J'ai du coup eu la chance d'enregistrer un tout premier EP. Vraiment, ça faisait que quelques mois que j'avais quelques chansons en piano-voix. Donc l'EP est maintenant, comment dire, sold out. Il n'est plus disponible, mais c'était en 2012. J'avais sorti un premier EP qui s'appelait Blues Prayer. Et ensuite, en 2015, quand je me suis entourée de musiciens sur scène pour la première fois, on avait enregistré un single, un deux titres qui s'appelle How Many Times, qui est toujours dispo un peu partout. Et puis c'est grâce à ce single là que du coup j'ai pu mettre le pied à l'étrier pour enregistrer un premier album en 2018 qui s'appelle In My Mind, un album studio avec du coup une nouvelle équipe de musiciens avec laquelle on a tourné pendant 4 ans et avec laquelle on a un petit peu bouclé la boucle l'été dernier en enregistrant l'album live dont vous parliez, Jeannette Berger Live, qui était en fait, c'était pas prévu qu'on fasse cet album-là. On a eu, comme un peu tout le monde, beaucoup de concerts annulés l'été dernier avec la crise sanitaire qu'on connaît, mais on a quand même eu la chance de pouvoir jouer en live au festival Sanary sous les étoiles dans le sud de la France. Et puis en fait, il se trouve qu'on avait notre équipe technique qui appuyait sur enregistrer ce soir-là. Et puis voilà, j'ai eu envie de d'essayer de clore ce chapitre un petit peu étrange de cette année 2020 qui était très particulière avec cet album qui était quelque chose qui me tenait fort à cœur, puisque la musique live, les concerts, la rencontre avec un public et puis l'émotion qu'on peut avoir seulement sur un instant lors d'un concert, j'avais envie d'essayer d'immortaliser ça, voilà. D'accord. Donc nous sommes ici aujourd'hui pour parler du coup de votre album Jeannette Berger Live. Donc en préparant cette émission, en préparant mes questions, j'ai eu l'occasion d'écouter votre album justement. Et pour nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent actuellement, ce titre d'album, donc Jeannette Berger Live, est tout simplement là parce que tous les titres présents, comme vous venez de le dire, sur cet album sont interprétés en version live. Voilà. Exactement, oui. C'est un concert et c'est même pas une tournée de concert qui a été résumée sur cet album, comme ça peut se faire parfois. Là, c'est vraiment un seul concert, l'énergie d'une seule soirée qu'on a captée et qu'on a figée sur cet album, oui. D'accord. Et comme nous le disions en début d'émission, du coup, vous êtes chanteuse. Donc, comment vous est venue cette envie de devenir chanteuse à la base? Parce que, comme vous l'avez dit, vous avez fait des études musicales, tout ça. Mais à la toute base, comment vous est venue cette envie de devenir chanteuse? Eh bien, ça, c'est une très bonne question. Et j'avoue que je crois ne toujours pas avoir la réponse. J'ai pas une famille de musiciens spécialement. J'avais a priori un grand-père dans la famille qui chantait. J'avais une grand-mère qui avait un piano à la maison. Donc c'est comme ça un petit peu que j'ai eu cette curiosité pour la musique, je pense, au début. Après, les parents écoutaient de la musique, mais je dirais un peu comme tout le monde, en fait, pas plus, pas moins. Ils m'ont pas emmené voir des centaines de concerts. Enfin voilà, je dirais qu'il n'y a pas forcément eu un vivier propice à ça au départ, mais c'est vrai qu'à l'adolescence, au collège et au lycée, j'avais des amis avec qui on aimait chanter, je dirais plus pour rigoler au départ, mais vu que j'avais la pratique du piano qui était là tout le temps, que je continuais, je sais pas, un petit peu naturellement, j'ai essayé de combiner les deux parce que ça me fascinait, ça m'attirait beaucoup, mais bon, c'était je dirais peut-être un peu comme toutes les adolescentes, on chante sous la douche, on chante dans la cour de récré avec les copines, et ou alors on va faire un peu de chorale au collège. J'ai fait une année de chorale avec des copines, mais c'était pas non plus une activité vraiment majeure. Il y avait une forte envie, il y avait quelque chose où j'y revenais très souvent, mais un petit peu en autodidacte, un petit peu toute seule, et c'était pas forcément quelque chose de réalisable, en fait, de devenir, entre guillemets, chanteuse, de le devenir, c'était pas quelque chose qui était réalisable pour moi, forcément, dans les schémas, je veux dire, que je pouvais avoir autour de moi. Et puis, en fait, c'est en terminale, le département organisait un festival en partenariat avec les Restos du Cœur. Ça s'appelait le Festival des lycéens. Et puis, j'avais vu les années auparavant d'autres lycéens monter sur scène et puis chanter des chansons devant les copains, devant les parents des copains, mais dans des salles plutôt sympas dans la région, des théâtres, des parcs, des expos, des choses comme ça. Et en terminale, je me suis dit, bon, bah pourquoi pas moi? Et je me suis lancée toute seule, piano-voix, j'ai chanté deux chansons. Et c'est à ce moment-là où on m'a un petit peu fait prendre conscience que oui, en fait, il y avait peut-être quelque chose à creuser. Enfin, en tout cas, si l'envie était là, pourquoi ne pas essayer de pousser la chanson un petit peu plus loin. Voilà, je dirais que c'est un peu comme ça que l'envie est venue et qu'elle est restée, qu'elle s'est affirmée, je dirais même, au cours des années. Ça a toujours été un petit peu là, sous-jacent, mais pas de façon très affirmée. Et puis ensuite, on rencontre les personnes, on fait des expériences qui permettent de se dire « Ok, on peut y aller ». Et voilà, je suis devenue chanteuse comme ça. D'accord. Et donc, du coup, maintenant, quelques années plus tard, vous avez, c'est votre métier, vous avez la chance de pouvoir vivre de la chanson. Oui, oui, oui. Ça fait quelques années. J'ai passé plusieurs années à continuer à travailler en parallèle parce que j'avais pas forcément les clés pour y parvenir. Et puis là, depuis quelques années, j'ai de nouveau rencontré les bonnes personnes et fait aussi des choix qui peuvent parfois paraître un peu sacrificiels, mais ce sont des choix de vie que je regrette pas du tout, parce que la musique permet d'avoir du temps pour faire de la musique, d'être professionnel de la musique, c'est vraiment une facilité qu'on a en France et qui permet de développer, de décupler la créativité, de prendre encore plus le temps pour s'assumer, pour s'affirmer et puis aller au bout de ce qu'on a au fond de soi, quoi. D'accord. Donc il va être 14h13. Avant d'approfondir le sujet encore un peu plus, je vous propose de nous lancer tout de suite dans une toute première fréquence musicale, comme j'aime à l'appeler, dans un premier extrait de votre album Jeannette Berger Live, et que nous écoutions le morceau intitulé « Oh Woman », que l'on pourrait traduire en français par « Oh Femme », tout simplement. C'est d'ailleurs le premier morceau de l'album, c'est bien ça ? Oui, c'est le premier morceau de l'album et c'était une première qu'on le jouait en live ce jour-là, et je regrette pas parce que je trouve que c'est l'introduction qui m'allait très très bien pour ce soir-là. C'était une belle mise en scène, une belle approche pour ce beau concert. D'accord. Et est-ce que pour la version, on va dire, non live de ce titre, on a le droit à un clip sur Internet ? Peut-être. Et non, ce titre-là était figuré sur mon tout premier EP piano-voix. Et là, on l'a interprété seulement avec mes choristes, vous allez voir. Et c'est une sorte d'exclu qu'on a faite ce soir-là. Et on la joue très peu maintenant au concert parce qu'on joue d'autres chansons. D'accord. Donc on écoute A Woman et on se retrouve juste après. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. Whoa. Et vous êtes de retour sur Radio Guémozo. Vous êtes toujours en direct. Il est 14h17. Vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web Radio Line ou Orange Radio. Et même désormais sur notre nouveau site internet https://radioguemozo.radio-website.com/partoutenfrance. Et vous venez d'écouter Jeannette Berger avec son morceau Oh Woman, tiré de son album intitulé Jeannette Berger Live. Vous nous écoutez peut-être chez vous, au travail ou encore sur la route. Si c'est le cas, pardon, évidemment, soyez prudents. Et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Jeannette Berger, justement, qui est là pour nous parler, entre autres, de cet album. Ça va toujours ? Oui, ça va toujours, merci. Avant de reprendre cette émission, y a-t-il un message en particulier que vous souhaitez raconter à travers ce morceau Oh Woman ? Alors, Oh Woman, je l'avais écrit quand j'avais rencontré une femme qui m'avait impressionnée par son tempérament, son caractère, son affirmation de soi. J'étais encore assez jeune et du coup, je sais que ça m'avait marqué. C'est pour ça que j'avais eu envie de faire une espèce d'ode à cette femme qui était très inspirante, très captivante. Donc voilà, cette chanson-là, si je puis dire, pourrait être dédiée aux femmes inspirantes, aux femmes captivantes. D'accord. Et donc, comme nous venons, de l'entendre, et comme vous l'avez dit juste avant la pause musicale, vous n'êtes pas seul sur scène, vous êtes accompagné de chœurs et de musiciens. Donc, parlez-nous un petit peu de ces différents chœurs et de ces différents musiciens. Alors, ça fait, avec cette équipe-là, avec laquelle on a fait ce concert, ça faisait à peu près 4 ans qu'on travaillait ensemble. Depuis quelques mois, je travaille avec une nouvelle équipe. On en parlera peut-être un peu plus tard. Mais du coup, ces musiciens, nous avons Sébastien Alberton à la batterie, Neil Garrod à la basse, David Sorin à la guitare, et puis Draz et Marine au chœur. Et en fait, c'est une équipe qui s'est vraiment adaptée, qui a collé en fait son univers musical au mien pour arranger les chansons pour ce premier album studio du coup qu'on a interprété pour cet album là en live les chœurs sont arrivés par la suite. Elles ont repris des lignes de chœurs que j'avais écrites moi-même pour la version studio, et en fait ça a été une rencontre vraiment vraiment importante pour moi d'ajouter deux chanteuses sur scène, parce qu'en fait elles ont vraiment apporté chacune leur personnalité dans les arrangements vocaux, et c'était quelque chose que je recherchais depuis très longtemps. Et voilà, il y a une des chanteuses qui est un petit peu plus rock'n'roll, et puis l'autre qui va avoir plus la fibre soul, et du coup elles ont réussi, je trouve, à créer des arrangements au chœur qui ont porté la musique là où je voulais aller, notamment sur des chansons comme In My Mind, Shine, quoi d'autre, il y a aussi I Am a Woman qu'on interprète également seulement à 3 voix. Et vraiment, le fruit de cette rencontre a permis de créer d'aller plus loin dans les arrangements en fait de mes chansons, de mon univers, et de coller encore un peu plus à ce que je voulais faire. Donc c'est autant j'écris beaucoup encore toute seule la chanson, les chansons, la musique, je compose beaucoup toute seule, mais en fait le fait de mélanger ensuite nos influences, nos univers musicaux et puis notre vision des chansons. On perçoit les chansons chacun d'une façon différente. Et je trouve que c'est ça qui permet d'aller plus loin et de délivrer l'essence du message que je souhaite en écrivant ces chansons-là. D'accord. Et comme nous venons de l'entendre également, et d'ailleurs comme dans beaucoup de vos morceaux, vous chantez en anglais. Pourquoi avoir fait ce choix de chanter en anglais du coup ? Oui, alors on me dit souvent que c'est un petit peu contradictoire avec mon nom, qui est très francophone, franco-français même. En fait, chanter en anglais, ça n'a pas vraiment été un choix, c'était plus une évidence. En fait, j'ai vécu à Londres un instant, au tout début que je commençais à écrire des chansons, et du coup j'étais vraiment baignée dans une culture musicale, un environnement qui était complètement anglophone. Et puis, faut pas se mentir, la musique que j'écoute depuis toujours, elle est quand même plutôt plutôt orientée sur des paroles en anglais, donc, et puis sur une musicalité des mots, une façon de placer rythmiquement les mots, etc. Je suis beaucoup plus familière avec ça parce que j'ai beaucoup plus écouté de la musique en anglais qu'en français, je l'avoue. Et après, c'est vrai que naturellement, quand j'ai commencé à composer au piano, les mélodies, les airs, la rythmique, une nouvelle fois, qui venaient en tête, je trouvais que ça correspondait beaucoup plus à... Enfin, les mots venaient beaucoup plus naturellement en anglais qu'en français. Et voilà, j'ai pas fait traduire des textes français... en anglais pour à tout prix chanter en anglais, pas du tout. C'est vraiment que l'écriture, elle est venue naturellement de cette façon-là parce que cette affinité musicale, parce que ce bain culturel était tout autour de moi à ce moment-là. D'accord, ça s'est présenté un petit peu comme une évidence. Exactement, oui. D'accord. Et en faisant mes recherches, en préparant cette émission, notamment grâce au dossier de presse que Géraldine de Le Bureau de Lilith m'a gentiment envoyé, j'ai eu l'occasion de lire que vos morceaux sont, je cite, « loin des sons préfabriqués que l'on a trop l'habitude d'entendre sous nos latitudes » et que vous portez haut et fort le flambeau d'une soul irrésistiblement moderne, que vous proposez une musique viscérale et authentique, s'il en est, qui, sublimée par votre voix chaude et enivrante, se pare de jolies couleurs blues, rhythm and blues, voire d'accent pop ou rock. Fin de citation. Donc, à travers vos morceaux, est-ce que c'est vraiment votre objectif de vous éloigner des différents codes qu'on a l'habitude d'entendre traditionnellement ? Alors, en fait, c'est pas un but en soi, mais je m'en suis rendu compte au fil du temps, où je trouvais pas forcément ma place par rapport aux musiques qui se faisaient en même temps que moi, puisque ça fait à peu près une dizaine d'années maintenant que j'écris des chansons et que, en ayant commencé en piano-voix seule, je prends le temps aussi en fait de découvrir comment m'entourer, comment me faire accompagner des bonnes personnes pour réaliser ma musique. Et en fait, c'est avec tout ce cheminement-là que je me suis rendu compte que j'étais un petit peu en décalage parfois par rapport à ce qu'on pouvait entendre au même moment que moi j'écrivais certaines chansons. Quand Géraldine parle des sons préfabriqués, etc., je pensais notamment à tout ce courant électro ou pop. En France, voilà, la scène française est très riche au niveau de la culture électro-pop. Et même dans le rock, on retrouve beaucoup maintenant d'influences un petit peu électro, où on va aller chercher des sons, entre guillemets, plus modernes. Mais j'avoue que moi, ce qui me plaît dans la musique et ce que je recherche, et ce que je me suis rendu compte que là où je voulais aller et ce que j'aimais faire, c'était avoir un côté très brut, en fait, très... entre guillemets naturel en fait sur la musique, c'est-à-dire des instruments qui transpirent avec des gens derrière qui transpirent pour jouer de la musique. Et j'avoue que c'est ça qui me fait vibrer quand je vais voir un concert. C'est ça que j'aime aussi, c'est voir un artiste en solo ou entouré de musiciens, mais qui en tout cas prend à bras le corps un instrument ou sa voix et va délivrer quelque chose comme ça de brut et d'authentique. Et je m'en suis rendu compte là avec ce cheminement que depuis quelques années, c'est ce vers quoi je tends et c'est ce que j'aime faire en fait. Et m'entourer de musiciens qui ont aussi cette passion-là pour jouer un instrument et entre guillemets pas seulement balancer des samples et faire balancer des subs dans une façade. Même si je respecte ça et c'est une création musicale, etc., mais je me rends compte que c'est pas ce que je sais faire, c'est pas ce que j'aime faire, et clairement pour mes chansons, je recherche vraiment ce côté brut où on va sentir la goutte de sueur qui dégouline sur le front du batteur, ce genre de choses, quoi. D'accord. Et pour parler maintenant un petit peu chiffres, pour donner un peu une idée à nos auditrices et auditeurs de l'étendue de votre carrière. Donc votre carrière a déjà 10 ans, si je me suis bien renseigné. Vous avez donné déjà plus de 150 concerts un peu partout en France, dans différents festivals, par exemple, et vous avez rencontré de nombreuses personnes, et tout ça a fait que, comme vous venez de le dire, votre musique a pris peu à peu une couleur inimitable, brute et sans artifice, que votre musique est en quelque sorte unique. Donc, j'allais vous demander, quand vous avez débuté votre carrière de chanteuse, est-ce que votre but était du coup de créer une musique à la couleur inimitable, brute et sans artifice? Mais si je reprends vos mots d'il y a quelques minutes, à la base, ce n'était pas votre objectif, ça s'est dessiné que vraiment plus tard, ce côté brut, inimitable et sans artifice. Oui. C'était pas. En fait, quand j'ai commencé même à écrire des chansons, je ne vais pas vous le cacher, je ne savais pas trop où j'allais. Puisque j'étais piano-voix, jouer avec des musiciens, je connaissais vraiment très très peu ça, ou alors seulement en jam avec des copains, mais le côté arrangement, écrire des chansons pour tel instrument, faire des parties, créer des parties dans une chanson pour tel ou tel instrument, c'était vraiment quelque chose de qui n'existait pas pour moi, je ne connaissais pas ça du tout. J'ai pas fait de formation au conservatoire ou en école supérieure de musique, des choses comme ça. Donc c'était vraiment une grosse inconnue pour moi. Et j'avais en fait une sorte de naïveté quand j'écrivais les chansons au début. Et je dirais même toujours un petit peu maintenant, puisque j'ai pas de processus en fait pour écrire des chansons. J'ai un instant de vie qui passe et qui me laisse des mots en tête qui tournent et puis une mélodie qui arrive et puis j'ai besoin d'écrire, de structurer un petit peu ça, de raconter une histoire comme un écrivain pourrait écrire un roman. Moi j'essaye de mettre ça en chanson. Et c'est vrai que en commençant, je savais pas où j'allais, mais j'avais envie de raconter des histoires. Et c'est toujours là, et c'est pour ça que j'aime ce côté dont parle Géraldine, qui s'est un petit peu forgé au fil des années, ce côté brut des chansons, quoi, qui racontent simplement des histoires, des instants de vie, et qui sont comme ça, qui sont brutes, qui sont ce qu'elles sont, qui gardent une naïveté, une part d'enfance. Mais qui, je crois, est en chacun de nous. Donc c'est en ça que je pense, écrire des chansons qui peuvent toucher les gens. Et après, dans le côté où vous dites un style inimitable ou unique ou quelque chose comme ça, je ne saurais pas en juger. Je pense qu'il y a un mouvement en ce moment des musiques, de ce goût quand même pour les musiques un peu dans ce style-là qui revient, avec des artistes internationaux qui eux aussi aiment les fûts de la batterie qui tremblent et puis des amplis qui résonnent. Et je entre guillemets, je pense être unique par les chansons, les paroles et les textes que j'écris, parce que c'est des histoires que je raconte moi. Après, je prétends pas réinventer quoi que ce soit, mais j'essaye juste de faire quelque chose en tout cas qui me ressemble, et puis si ça parle, si ça vous parle, c'est ça qui me touche. D'accord. Donc, justement, cet album live, est-ce que vous diriez qu'il constitue en quelque sorte un premier cachet de cire pour sceller, on va dire, ces 10 ans, pour en avoir encore beaucoup d'autres à venir? Donc est-ce que justement vous aviez en tête cette idée de laisser une trace indélébile, un hommage, à vos 10 ans passés sur la route grâce à cet album Jeannette Berger Live? Eh bien, effectivement, en fait, j'y pensais pas pendant ces 10 années, mais c'est vrai que j'ai toujours été fascinée par les albums live, et dans ma discographie personnelle, des albums, je veux dire, que j'achète, etc., je suis très très friande de ça, ça a toujours été. Et oui, c'était une sorte de rêve, en fait, qui était là en sommeil, quelque part dans ma tête. Et effectivement, cet été, après ce concert, quand j'ai réécouté les mix avec notre ingé son, qui avait travaillé sur ce concert, qui avait enregistré le concert et travaillé un petit peu dessus, mais comme ça, je dirais, plus pour plaisir au départ, c'est en réécoutant ces enregistrements que oui, ça m'a un petit peu fait tilt dans ce sens-là, en me disant... Là, il se passe quelque chose. Cet album, enfin, ces enregistrements de ce concert représentent tout ce que j'ai voulu faire en fait depuis ces 10 années, c'est là, c'est dans cet album-là. Et du coup, c'est à ce moment-là où je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose, est-ce que c'est possible? Parce que j'avais cette question-là, est-ce que techniquement c'était possible de réaliser un album live avec ces enregistrements qui, entre guillemets, n'étaient pas forcément prévus dans pour cette finalité au départ. Et puis voilà, la réponse a été oui, donc on est parti à faire le travail de post-production qui est nécessaire pour passer d'un son d'un concert à un son sur un album. Et oui, c'est une sorte de rêve inconscient que j'ai réussi à réaliser avec toute l'équipe. Et puis oui, c'est une espèce d'ancrage de voilà ce que j'ai fait pendant 10 ans, tout est là. Et puis maintenant, on va voir ce qui se passe par la suite. D'accord. Donc il est 14h33. Avant de poursuivre à nouveau, je vous propose de nous lancer tout de suite dans une nouvelle fréquence musicale, dans un deuxième extrait de votre album Jeannette Berger Live, et que nous écoutions cette fois le morceau numéro 5 de l'album, morceau intitulé Save Your Love, que l'on pourrait traduire en français par Sauve ton amour ou Sauvez votre amour, tout dépend à qui on s'adresse. Exactement. Donc on écoute ce morceau et on se retrouve juste après, du coup, Save Your Love, de votre album Jeannette Berger Live. Donc à tout de suite. Merci. Yeah. ça va toujours. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo, vous êtes toujours en direct, il est 14h38, vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web, Radio Line ou Orange Radio et même désormais sur notre nouveau site internet https://radiogemozo.radio-website.com/partoutsenfrance. Vous venez d'écouter Jeannette Berger avec son morceau intitulé Save Your Love et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Jeannette Berger, justement, qui est là pour nous parler entre autres de son album intitulé Jeannette Berger Live. Est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie, Jeannette ? Mais oui, c'est toujours un plaisir de réécouter ses chansons et puis surtout de pouvoir partager un peu l'envers du décor et d'échanger avec vous. Merci beaucoup de me recevoir. Avec plaisir. Donc, même question que pour le premier extrait que nous avons écouté un petit peu plus tôt dans cette émission. Que souhaitez-vous raconter à travers ce titre « Save Your Love » ? Alors, Save Your Love, c'est une histoire d'amour, hein, on va pas se mentir. Et c'est vrai que la soul, je trouve, le blues, c'est des musiques qui sont propices à dévoiler des sentiments, à écrire un peu ce qu'on a au fond de nous. Et dans cette chanson-là, je voulais simplement essayer de... de passer un peu par les étapes d'une relation amoureuse qui parfois il y a des hauts, parfois il y a des bas, mais qu'en fait il faut garder le principal en tête et que l'amour est là, l'amour est beau et voilà qu'il faut essayer de conserver ça et de nourrir ça tout simplement. D'accord. Donc comme nous le disons depuis le début de cette émission, cet album Jeannette Berger Live est un album dans lequel tous les titres sont interprétés en live lors d'un concert, du coup d'un seul et même concert. Mais est-ce que ce sont des titres qui existaient déjà auparavant ou est-ce que ce sont des titres que vous avez créés spécialement pour ce concert et du coup pour cet album ? Alors c'est des titres qui existent depuis le précédent album Studio, puisqu'on a été sur la route pendant 2 ans avec cet album studio depuis qu'on a sorti en 2018 en fait. Donc c'est vraiment des morceaux qu'on a pu jouer, rôder sur la route et lors des différents concerts. Donc il n'y a pas de nouveauté par rapport à l'album studio, sauf le fait qu'il y a cette fraîcheur et cette énergie qu'on a en live et qui est complètement différente en studio, et je dirais même que la recherche lors de la création d'un album en studio et pas forcément d'avoir ce côté live. On va pouvoir pousser d'autres choses au niveau des arrangements, on va pouvoir se permettre d'autres envies, mais là en étant assis sur scène simplement, et bien voilà, il faut pouvoir transmettre un message, interpréter une chanson et que tout soit là dans l'émotion et dans l'énergie. Donc voilà, c'est des chansons qu'on connaissait déjà, qu'on n'a rien écrit spécialement pour ce concert-là, mais c'est une autre interprétation que celle de l'album studio. D'accord. Ensuite, toujours en préparant cette émission, j'ai eu l'occasion de lire que vos titres sont faits de ballades sensibles et de rodéos turbulents, de murmures sensuels et de rages contenus, avec au bout du chemin l'assurance de sensations pures, d'émotions sublimes. Donc ce sont vraiment ces sentiments que vous voulez que les personnes ressentent en écoutant vos titres ? Et oui, complètement. Moi, c'est ce que je recherche quand je vais voir un concert. Et c'est vrai que quand j'écris des chansons, forcément, c'est lié à une émotion, un état d'esprit à un moment donné, un instant de vie qui traverse. Et c'est ce que j'essaye de retransmettre dans les chansons. Et c'est vrai que c'est ce que j'aime essayer de percevoir quand moi je vais voir un artiste en concert. Je pense par exemple à Liane Lahavas, que j'ai vu encore dernièrement, qui était seule sur scène avec simplement sa guitare et sa voix. Et elle parvient à sublimer ce qu'elle raconte. C'est des chansons qui parlent aussi de rencontres, d'amour, de choses qui peuvent paraître banales, mais en fait, elle y met tellement une énergie à la fois douce et puis hyper profonde avec sa voix qui est complètement atypique. Et puis ce jeu de guitare, elle parvient à vraiment en raconter, mais en profondeur, en 3 dimensions, je dirais, ses sentiments et ses chansons. Et c'est vrai que je suis captivée par ça et j'aime écrire des chansons de cette façon-là, Donc c'est ce que j'espère transmettre aux gens, une émotion, parfois il y a un peu des cris de rage sur certaines chansons, et d'autres moments c'est plus un sentiment plus léger, plus doux, plus enveloppant. Et j'espère qu'avec les musiciens, on parvient à transmettre ces sentiments-là, ces sensations-là. D'accord. Et d'ailleurs, cet album 100% live contient 15 titres. Donc, on peut peut-être citer ces titres si vous les avez en tête. Sinon, moi, j'ai la liste sous les yeux tout de suite. Oui, je les ai en tête aussi. Donc, la première chanson, c'est Oh Woman, qu'on a interprétée seulement avec mes choristes à trois voix. Ensuite, il me semble qu'il y avait Human People avec tout le groupe. Nous avions ensuite Tears and Pain et Come In. Ça, c'est des chansons que j'aime vraiment beaucoup, avec des touches un petit peu country, un petit peu blues, vraiment venues des États-Unis. Ensuite, après Come In, qu'est-ce qu'on avait déjà? Moi, j'ai Save Your Love. Save Your Love, oui, effectivement, Save Your Love qu'on vient d'entendre. Mm-hmm. Il me semble que suite à ça, il y a In My Mind, qui était la première chanson, enfin la chanson qui a donné son nom au titre de mon album précédent, mon album studio. Mm-hmm. Suite à ça, il y a une chanson qui est en solo piano-voix que j'adore, qui est une sorte de parenthèse dans le concert, qui s'appelle Somebody. Et voilà, où j'essaye d'emmener les gens avec moi... dans une balade très romantique et pleine d'espoir. Ensuite, on a How Many Times, qui est une chanson qui est la première chanson qui m'a permis de travailler avec des musiciens, que j'avais enregistrée sur ce single en 2015. Donc, elle a un côté très symbolique pour moi. Elle marque une étape importante dans mon cheminement. Et ensuite, on a Feel Free, qui est un petit peu la feel good song de l'album. Qui est faite pour un petit peu laisser couler tous les soucis et juste se sentir libre et de chanter, de sauter, de crier et d'être bien, quoi, de passer un bon moment. C'est un peu le but de cette chanson-là. Après, on a interprété la chanson qui s'appelle Shine, qui est un petit peu plus récente et qui n'existe pas sur l'album studio, qu'on a écrite au cours des deux dernières années, je dirais. Avec le reste des musiciens, écrite et arrangée avec les musiciens. Et ça, c'est une chanson que je trouvais assez forte, où en fait, je voulais essayer d'inciter les gens à, voilà, simplement s'affirmer, s'assumer, et sans contrainte, sans craindre le regard des autres. Ensuite, on s'est retrouvés de nouveau à trois voix pour la chanson « I am a woman », qui est une chanson aussi un peu power, girl power, pour les femmes fortes, les femmes de caractère. C'est pour ça que je voulais qu'on l'interprète seulement toutes les trois, piano et trois voix. Après, il y a notre petite récré à nous, qui est The Right Time, qui est une chanson qui a été reprise par Ray Charles. C'est pas lui qui l'a écrite, mais j'ai toujours adoré sa version. Quand j'étais ado et en grandissant, quand j'ai découvert Ray Charles, je suis vraiment tombée amoureuse de cette chanson-là. Donc voilà, on s'est fait la récré entre nous de pouvoir l'interpréter ce soir-là. Et puis ensuite, on a Such a Kiss, que j'avais sorti en même temps que How Many Times en 2015, et qui pour moi reste une espèce de petit bonbon dans les concerts. C'est là aussi un peu une récréation, un instant comme ça, un petit peu entre parenthèses, où voilà, c'est une chanson très naïve, très très simple, et qui est faite aussi pour se sentir bien et juste passer un instant coloré et chaud ensemble. Et puis après, on arrive vers la fin du concert, que j'aime beaucoup malgré tout, même s'il y a un côté très mélancolique et un peu nostalgique de cet instant qui est déjà passé. Et c'est pour ça qu'on a choisi cette chanson Walking Back Home, que j'aime beaucoup, qui est une des premières chansons que j'ai écrites il y a à peu près 10 ans maintenant. Et en fait, on la réarrange, je dirais pas à chaque concert, mais presque, parce qu'elle est vraiment portée sur l'énergie de l'instant avec le public, et pour essayer de porter cette chanson-là. C'est une espèce d'instant suspendu à chaque fois. Et j'ai eu la chance de réaliser un clip cette année sur cette chanson-là, tirée de cet album live. On a préféré prendre cette version live plutôt que la version studio, qui était pour moi plus vibrante et plus, plus authentique et plus dans l'instant. Et c'était vraiment ce que je voulais pour cette chanson-là. Même si, on a tourné du coup des images, ce sont pas des images live pour ce clip, mais c'est sur cette version live. Et puis ensuite, on laisse le public et les auditeurs sur une chanson que j'adore qui s'appelle Got the Feeling et qui est vraiment, qui est faite pour relâcher toutes les tensions et puis se sentir bien et partir ensemble avec un petit peu des étoiles dans les yeux et se dire que ok, on a passé un sacré bon moment ensemble et c'était bien et pourvu que ça revienne, voilà. D'accord. Donc il est bientôt 14h50. Avant d'aller plus loin, à nouveau, je vous propose une nouvelle fois de nous lancer dans un nouvel extrait de votre album, histoire de reprendre notre souffle et que nous écoutions cette fois le morceau numéro 10 de cet album, morceau intitulé Shine, que l'on pourrait traduire en français par brille ou briller. Donc, exactement. Est-ce que ça vous va qu'on écoute ce morceau ? Avec grand plaisir. Merci Parfait. Beaucoup de passer ce titre. Alors on écoute Shine et on se retrouve juste après pour la suite et déjà malheureusement la fin de cette émission. Donc à tout de suite. Merci. You got to let me shine. You won't stop me. Yes, I am meant to shine. For me, you seem to be a kind of a thrill. We keep going on. Everywhere I look around, I can see what we've done from no one. Side by side, we decide to see the world for what it could be. And it feels clear to me, I match his heart. Shine, let me shine. You know where I come from. Jeannette Berger avec son morceau Shine sur Radio Guémozo. Vous êtes de retour et vous nous écoutez toujours sur le 107 FM localement ou sur nos applications mobiles et web Radio Line et Orange Radio et même désormais sur notre nouveau site internet https://radioguémozo.radio-website.com/partout en France. Et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Jeannette Berger justement qui est là pour nous parler de son album Jeannette Berger Live. Tout est toujours beau pour vous? Oui, toujours, super. Parfait. Donc, même question que pour les deux précédentes pauses musicales, vous êtes habitués désormais. Quel est le message que vous souhaitez faire passer, le message s'il y en a un, à travers ce titre, Shine? Oui, et bien, comme je disais un petit peu tout à l'heure, c'était que Shine, donc comme vous l'avez mentionné, ça veut dire briller. Et en fait, je voulais essayer de raconter que qui vous ayez envie d'être, qui qu'on soit, qui vous soyez, en fait, ne laissez personne vous empêcher de briller, réaliser vos rêves, ayez l'ambition que vous avez envie d'avoir ou ne pas avoir d'ambition, c'est pas un problème non plus, mais simplement ne vous privez pas d'être la personne que vous êtes et que vous avez envie d'être et de devenir. Voilà. D'accord. Donc, nous arrivons déjà bientôt à la fin de cette émission. Si nous voulons suivre l'avancée de votre carrière, comment pouvons-nous faire? Alors, il y a tous les réseaux sociaux, forcément, c'est un petit peu incontournable de nos jours. Donc, Jeannette Berger, avec un seul N. Sur Google aussi, vous trouvez pas mal d'infos sur ce que je fais, sur ma musique. Il y a également tous les albums qui sont disponibles en physique. C'est important, je tiens beaucoup aux versions physiques des albums parce que je trouve que par l'objet, par qu'on met dans la pochette de l'album aussi, il y a autre chose que simplement la musique, il y a un peu l'âme des chansons qui est là aussi. Et donc ça, c'est disponible sur Bandcamp. Vous pouvez aller sur mon site internet, jeanetteberger.com, et il y a tous les liens, soit vers les plateformes de streaming, soit aussi vers Bandcamp pour craquer pour les albums plutôt en physique. Et puis voilà, les réseaux sociaux, effectivement, YouTube aussi, où j'essaye de créer du contenu un petit peu et d'offrir des petites parenthèses musicales cet été de chansons qui existent déjà sur les albums et puis de chansons inédites aussi pour garder le lien quand on peut pas forcément se voir, quand il n'y a pas toujours des concerts qui sont organisés parce que c'est encore un peu compliqué cette année. Donc voilà, tout simplement jeanetteberger.com sur Google et puis vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Je mettrai tous les liens de vos réseaux sociaux, le lien de Bandcamp et même votre site internet en podcast de cette émission demain dans la journée. Mm-hmm. Ensuite, quels sont vos projets futurs? Une tournée, la reprise des concerts, un autre album, pourquoi pas? Exactement, on est en tournée cet été, on a quelques dates, je dirais surtout en format réduit pour cet été puisque les conditions sont encore un peu compliquées pour les organisateurs. Donc il y a toutes les dates sur Facebook et puis sur mon site internet aussi. Et puis on sera à Paris le 30 septembre au Sunset, c'est une date que j'attends avec impatience, qui a été reportée à cause du Covid au printemps 2020. Et puis, on travaille déjà depuis ce printemps sur la création, la réalisation d'un nouvel album studio qui devrait voir le jour en 2020, de, 2022, pardon. D'accord. Voilà. Donc c'est déjà ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Je vous remercie une nouvelle fois, Jeannette, d'avoir accepté mon invitation. D'ailleurs, Merci à vous de m'avoir accueilli, c'était un plaisir. Avec plaisir. Et d'ailleurs, ne quittez pas, je vous récupère au téléphone juste après, hors antenne. Oui. Cette émission sera rediffusée demain, mardi, à 18h, avec le podcast de cette émission posté demain sur notre page Facebook dans la journée. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Gemozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. En attendant, je vous laisse avec un autre programme proposé par Radio Gemozo d'ici quelques secondes. Donc, salut les 60, avec Gérard, qui nous parlera de l'année 1962. Quant à nous, nous nous retrouvons demain, mardi à 14h, toujours en direct, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai, toujours dans le cadre du partenariat qui existe entre Radio Gemozo et l'agence d'artistes Le Bureau de Lilith, Sam Franck Blunier, chanteur, qui nous parlera entre autres de son album Mystique Senior et de sa carrière de chanteur. Donc merci de votre fidélité à Radio Gemozo, et du coup je vous dis à demain. Donc salut et à demain.